Bonjour à tous, fidèles auditeurs de la radio Sanganilo. Bienvenue dans cette édition dont voici d'abord le grand titre. Des lamentations des propriétaires de parcelles de la localité d'Owuhomba entre la 13e avenue et 15e transversale de la zone Mutimbudi. Ces propriétaires de parcelles déplorent que ça fait un bon moment que leurs activités ont été interrompues. Un manque criant d'eau potable s'observe au chevalier de la province Chibitoke. La population demande au ministre de tutelle d'étendre le projet d'addiction à l'eau potable. La Fédération burundaise de l'athlétisme déplore la gestion non transparente de la bourse olympique. Dans ce journal, vous entendrez le président de la Fédération chronique et nutrition de ce dimanche va nous parler de vertu de la tomate. Yvette Ndjimbele est à la présentation de ce journal. La mise en onde est assurée par Eddie Kadogo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Les élèves de 12 écoles et des centres de santé de la commune de Nega ont un problème de couverture en eau potable. Les parents des élèves de ces écoles et les populations s'inquiètent de qui leurs enfants peuvent attraper les mains liées aux mains sales. Ils demandent à l'administration de s'atteler à cette question pour que dans l'avenir, la couverture en eau potable soit totale. Leonida Bilinzanye, administrateur de la commune de Nega, qui assure l'intérim, appelle la population de contribuer pour que ce problème soit résolu. Agnès Naumagat. Selon l'administrateur de la commune Nega, cette commune est composée de 27 000 ménages. Certains parmi ces ménages disent qu'ils ont un problème d'accès à l'eau potable. C'est le même problème qu'ont 12 écoles sur 31 et 2 centres de santé sur 8 de cette commune non alimentés en eau potable. Selon les parents des élèves de ces écoles, pendant la période pluviale, ces écoles font recours à l'eau de pluie. Dans le cas contraire, les élèves se présentent à l'école avec des bidons de 3 à 5 litres contenant de l'eau pour la propreté. La population qui s'est fait soigner sur ces centres de santé et les parents des élèves qui étudient à ces 12 écoles s'inquiètent que leurs enfants peuvent attraper les maladies de mains sales suite à ce problème d'accès à l'eau potable et demandent à l'administration de s'atteler à cette question pour que dans l'avenir la couverture en eau potable soit totale. Jean-Marie Moussawanganji, régie communale de l'eau, informe que la commune de Nega dispose d'une couverture en eau potable de 60% et que ce problème de couverture en eau potable serait lié au fait que les tuyaux de quelques réseaux d'alimentation sont usés. Billy Zanier Leonidas, administrateur qui assure l'intérimant, mentionne que ce problème de couverture en eau potable s'observe presque dans toute la commune. Il interpelle la population de contribuer une somme de 100 francs par mois et par ménage et que cette somme récoltée sera utilisée dans la réhabilitation de certains réseaux d'alimentation en eau potable. Et cette contribution sera donnée annuellement jusqu'à ce que la couverture en eau potable soit totale dans toute la commune. De Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Naumagadze. Les habitants de la zone Mubuga, commune à province Gitega, réclament l'acheminement du courant électrique dans leur zone afin qu'ils puissent exercer des métiers et différentes activités non encore exercées chez eux, faute de courant électrique. C'est au moment où c'est à Mubuga où se situe une grande parc solaire qui produit environ 8 MW, mais la population locale n'en profite pas. Le directeur de l'électricité à la régie des eaux indique que le chef-lieu de la zone Mubuga sera électrifié dans le cadre de la politique énergétique du pays, sans toutefois préciser le délai. Les détails avec Gérard Nibigil. Les habitants du chef-lieu de la zone Mubuga, commune et province Gitega, avec qui nous sommes entretenus, énumèrent les activités qu'ils réaliseraient s'il adviendrait que leur zone soit électrifiée. Et c'est entre autres la soudure et l'utilisation des ordinateurs, l'électrification de différents bureaux, dont ceux de leur zone et des écoles. C'est aussi l'ouverture de buvettes et du lait, des secrétariats publics, des cybercafés, l'électrification des maisons d'habitation, des boutiques, des magasins, bistrots et restaurants devenus nombreux ces jours-ci à Mubuga. Mubuga ajoute les mêmes habitants. C'est ainsi alors qu'ils demandent aux autorités compétentes de songer à l'électrification de leur zone pour qu'ils puissent réaliser ces activités et tant d'autres encore inexistantes chez eux. En outre, ils se disent fâchés du fait que c'est dans leur zone que se situe un grand parc solaire qui produit environ 8 MW mais qu'ils n'en profitent pas. Ils soulignent qu'ils ne voient que des câbles électriques qui passent au-dessus de leur maison et qui transportent le courant électrique vers la ville de Gitega. De son côté, le directeur de l'électricité à la régie des eaux Bujumbura, David Majambere, répond que le chef-lieu de la zone Mubuga ne peut pas être électrifié à base du courant de son parc solaire car son parc n'est pas de la régie des eaux. Il appartient à une entreprise privée appelée Gigawatt Global, explique-t-il. Il précise que la régie des eaux a un contrat avec cette entreprise d'acheter tout le courant électrique produit par son parc solaire une fois arrivé au dispatching de Zégué en commune et province de Gitega. Il promet néanmoins que le chef-lieu de la zone Mubuga sera électrifié dans le cadre de la politique énergétique du pays, mais il ne sait pas quand. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h passées de 2 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, page sportive de cette édition, la Fédération burundaise de l'athlétisme déplore le fait que la bourse olympique ne profite pas aux athlètes. Dans une conférence de presse de ce samedi, le président de la Fédération, Dieudonné Kwizera, a indiqué que la gestion de cette bourse n'est pas transparente. On l'écoute en tradition de ballet, Abdelimann. La bourse olympique est octroyée par le CENO, Comité National Olympique. Mais sa gestion n'est pas bonne. Si elle était bien gérée, elle profiterait aux athlètes. Lui, il a été un champion. Moi aussi, j'ai été un champion. Elle aussi, elle est une championne. Je vous dirais que nous tous, nous avons réussi des médailles, mais personne n'a réussi cette bourse. Pourtant, s'il y avait une gestion transparente de cette bourse, elle profiterait aux athlètes et il aurait des records mondiaux. Je me suis entretenu avec la présidente du CENO et je lui ai montré comment cette bourse pourrait être bien gérée pour profiter à l'athlète. Je pense que cette question sera réglée. Ce que l'État pourrait faire pour que l'athlétisme aille de l'avant, premièrement, c'est la disponibilité des fonds et des infrastructures. Beaucoup de gens admirent la place qu'a le Burundi dans l'athlétisme au niveau international, alors qu'il n'y a aucun intérêt adéquat. Vu les records que nous avons, que ce soit au sein de l'Afrique, les championnats du monde, les Jeux africains, les Jeux olympiques, alors que nous n'avons pas de terrain, imaginez-vous si nous avions des terrains. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La tomate est une légume d'espèce de plante herbacée riche en différentes substances nutritives. Le chercheur nutritionniste indique qu'elle est composée de l'eau à plus de 90%, les protéines, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Jean-Paul Wineda signale que la tomate est très bénéfique aux mariés car ça stimule le désir sexuel. Omar Ndouaïou. La tomate est du genre Solanum, de la famille des Solanacées. Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, fait savoir que les tomates sont de plus de 150 variétés. Les tomates sont plus de 150 variétés. Il y en a des tomates qui ont des formes rondes, très courantes. On trouve également des tomates allongées. On trouve aussi des tomates cotelins et aussi des tomates qui ont des formes comme des fruits de cœur de bœuf. Il y en a aussi des tomates qui ont des couleur crème à saveur douce. Il y en a des tomates qui ont des couleurs d'orange vif. D'autres tomates ressemblent à des fruits connus comme l'ananas. Par exemple, tomates qui ont des chairs de couleur jaune et aussi des couleurs d'orange et rouge. Il y en a aussi des tomates qu'on appelle banana leg en forme de banane, de couleur jaune clair et aussi des tomates noires très sucrées. Parmi les composants de la tomate, l'eau occupe plus de 90%, explique le chercheur. La tomate fraîche est très riche en eau, presque 94% de son poids. Elle contient une petite proportion d'hydrate de carbone, 3,54%. Et aussi, les tomates contiennent peu de protéines, 0,85%, et peu de graisse, 0,33%. Les hydrates de carbone sont essentiellement formés de glucose et de fructose. Dans l'ensemble, ces deux substances nutritives apportent 21 kcal par 100 grammes. Parmi les minéraux, il faut citer la potassium avec 222 mg par 100 g, suivi du fer 0,45 mg par 100 g, du magnésium et du phosphore. La tomate est une bonne source de fer. La tomate contient aussi des sels minéraux. Le fer a plus de 5 fois que celui trouvé dans le lait et 3 fois moins que celui de l'œuf. Toutefois, la valeur nutritive et diétético-thérapeutique de la tomate réside dans sa richesse en vitamines et en minéraux ainsi que dans les substances non nutritives. La tomate contient des vitamines, surtout les vitamines du groupe B, B1, B2, B6, vitamines du groupe B3 qu'on appelle encore niacine et vitamines du groupe B9 qu'on appelle folate, toutes présentées dans des quantités significatives, 70 microgrammes par 100 grammes, dans une quantité très inférieure à celle de la carotte. La tomate est une bonne source de fer, car à point égal, elle contient 9 fois plus ce minéral que le lait, mais 3 fois moins que les œufs. À part la bonne saveur dans la bouche, la tomate garantit aussi le désir sexuel chez les mariés, signale toujours le chercheur. Merci Omar Ndouayo. Page société de cette édition, il s'observe un manque criant d'eau potable au chef-lieu de la province de Cibitoke. La population de cette province demande que le projet initié par le ministère et le développement communautaire dans ses attributions d'étendre le projet d'addiction à l'eau potable soit réalisé dans les brefs délais. Le gouverneur de la province de Cibitoke tranquillise et demande à la population d'aider dans la mise en application de ce projet récemment récidivé. Médard Nyonguru. Deux semaines viennent d'écouler sans aucune goutte d'eau potable dans les robinets au chef-lieu de la province Cibitoke. Les habitants de cette province déplorent son manque d'eau potable alors qu'elle paie les factures de la régie des eaux. On peut passer plus de deux semaines sans aucune goutte d'eau. Or, on utilise des toilettes à siège. Imaginez la suite si on n'a pas d'eau, alors qu'on paie les factures de la régie des eaux. Certains des habitants de cette province demandent que la problématique d'eau potable soit résolue de peur d'attraper les maladies des mains sales. Le ministère ayant le développement communautaire dans ses attributions avait initié un projet d'addiction d'eau potable, mais malheureusement ce projet avait été suspendu pour manque de quelques matériels. La population demande le rétablissement de ce projet. Le projet avait commencé, mais par après, des travaux ont pris fin. Mais on ne nous a pas communiqué la suite. On attend que les travaux vont recommencer. Nous demandons que ces travaux soient réalisés dans les plus brefs délais. Le gouverneur de la province Cibitoke déclare que le projet initié par le ministère ayant le développement communautaire dans ses attributions va bientôt recommencer et demande le soutien de tout un chacun dans la réalisation de ce projet. Nous interpellons la population d'aider à mettre sous la terre les tuyaux d'adduction d'eau. La population de Cibitoke et les agents de la régie des eaux travaillent en synergie pour bien mettre ces tuyaux sous la terre dans le but d'étendre les endroits qui vont être couverts en eau potable. Le projet d'addition d'eau potable, une fois réalisé, va couvrir toute la province de Cibitoke. Merci Médard Nyonguru. Les propriétaires de parcelles de la localité Burumba, entre la 13e et la 15e transversale de la zone Maramvia, en commune Mutimbudi, se lamentent et disent que ça fait un long moment que les activités ont été interrompues, surtout la construction des maisons, lesquelles ont été interrompues par l'État pour vérifier les documents d'acquisition, car ces parcelles sont caractérisées par beaucoup de conflits. Simeon Votoyi, administrateur de la commune Mutimbudi, demande aux propriétaires de patienter car la vérification des documents qui se fait au ministère de l'Agriculture n'est pas encore terminée. Et voilà, c'est ici qu'est prend fin cette édition, mais avant de la clore, nous vous rappelons les principaux titres. Un manque criant d'eau potable s'observe au chef-lieu de la province de Cibitoke. La population demande au ministre terre de tutelle d'étendre le projet d'addiction en eau potable. La Fédération burundaise de l'athlétisme déplore la gestion non transparente de la bourse olympique. Dans ce journal, vous avez entendu le président de la Fédération. C'est ici qu'est prend fin cette édition. Nous vous remercions, vous tous qui étiez à l'écoute, et bonne journée à tous.